plus un mot. On s'aime et on se quitte. Je n'ai jamais pu comprendre ça. Ceux qui disent on a ce qu'on mérite n'ont jamais sans doute eu d'autre choix. Et si la vie nous rend ce qu'on lui donne, il n'est pas d'excès qu'elle ne pardonne. Par amour, j'ai livré mes plus beaux combats. Par amour, j'ai voulu faire n'importe quoi. J'ai fait par amour des efforts, des erreurs. Reçu tant de flèches en plein cœur. J'ai donné tout ce que j'avais en moi. Et je ne regrette pas. Oh non. Éternel, ce besoin de combler avant le sien, le désir de l'autre. Pour que rien ne nous sépare et vouloir exister dans son regard bien plus que dans le nôtre. Et si l'amour nous rend ce qu'on lui donne, il n'est pas d'excès qu'il ne pardonne. Oh, par amour, j'ai livré mes plus beaux combats. Par amour, j'ai tenu le ciel dans mes bras. J'ai décroché par amour des lunes et des étoiles. Un soufflé du vent dans mes voiles. J'ai perdu le goût de vivre quelquefois. Je ne regrette pas.